إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées. Et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa famille, ses nobles compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ummat al-Islam, revenons et poursuivons nos discours et nos propos concernant les étapes que rencontrera le serviteur al-Abd afin d'atteindre sa demeure dernière. Continuons nos discours, ayyuha al-ikhwa, que nous avions à entamer dans notre noble série Silsilatu Marahil Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Une série qui, comme nous l'avons dit, rassemble la jurisprudence funéraire et l'attendrissement des cœurs al-raqa'iq. Et ceci est notre 41e rencontre, ayyuha al-ikhwa, de cette noble série étape vers la demeure dernière. Et notre dernier discours, lors de notre dernière rencontre, était à propos de la balance al-mizan et de ses difficultés et de ses afflictions et de sa forme. Ainsi, après l'étape de la balance al-mizan, ayyuha al-ikhwa, après que les actions des serviteurs aient été pesées et après que leur livre également se soit pesé, et même que ses propres serviteurs aient été pesés, et lorsqu'Allah Jalla wa Ala le voudra, les actions des mécréants al-kafirin seront ensuite pesées. Et leur pesée sera certes légère. Leur avilissement et leur honte sera sur eux alors. L'avilissement et la honte deviendra alors sur eux évident et clair. Et maintenant, ayyuha al-ahbab, après que les actions des mécréants aient été pesées, il ne leur restera aucune autre étape vers la demeure dernière. Si ce n'est, wal'iyadu billahi azza wa jal, d'être jeté dans la demeure dernière, d'être jeté dans leur dernière demeure, d'être jeté dans leur demeure éternelle, afin qu'ils découvrent et qu'ils rencontrent et qu'ils remarquent la récompense qui leur attendait, la récompense qui les attendait, et afin que l'avertissement et la menace et la promesse d'Allah et Azza wa Jal se concrétisent sur eux. Tous les mécréants, ayyuha al-ikhwa, seront rassemblés en enfer, wal'iyadu billah, comme ceci a été cité dans les recueils authentiques d'Al-Imam Muslim. Selon Abi Saïd ibn al-Khudri radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le jour de la résurrection, quelqu'un dira, c'est-à-dire de la part d'Allah azza wa jal, le jour de la résurrection, quelqu'un dira que celui qui a adoré quelque chose la suive, que celui qui a adoré quelque chose en dehors d'Allah azza wa jal la suive. Ainsi tous ceux qui adoraient les idoles, telles les statues al-Asnam, telles les idoles al-Awthan, en dehors d'Allah al-Wahid al-Dayyan, seront jetés au feu de l'enfer. Et ne resteront qu'al-Muwahidin al-Mu'minin, les unificateurs et les croyants, qu'ils soient bons ou mauvais, et d'autres personnes parmi les gens du livre et du kitab. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah Azza wa Jal appellera ainsi les juifs et leur dira: qu'adoriez-vous dans ce bas monde ad-dunya? Et ils répondront alors: nous adorions Uzayr ibn Allah. Et alors on leur dira: kadhabtum, vous avez certes menti. Allah ne s'est point attribué ni compagne ni enfant. Et on leur demandera ensuite: que désirez-vous? Et ils répondront: nous avons très soif au Seigneur. Donne-nous donc à boire au Seigneur. Et alors on leur dira: n'avancez-vous donc pas. Et ainsi ils avanceront et ils seront jetés dans le feu de l'enfer. Puis Allah Jalla wa Ala appellera ensuite les chrétiens et leur dira: qu'adoriez-vous dans ce bas monde ad-dunya? Et ils répondront: nous adorions Al-Masih ibn Allah. Et alors on leur dira: kadhabtum, vous avez certes menti. Allah ne s'est point attribué ni compagne ni enfant. Et on leur demandera ensuite: que désirez-vous? Et alors ils diront: nous avons très soif au Seigneur. Donne-nous donc à boire au Seigneur. Et alors on leur dira: n'avancez-vous donc pas. Et ils avanceront et ils seront rassemblés au feu et tombant en enfer. Ainsi, ayyuha al-ikhwatul kiram, tous ceux qui adoraient quelque chose en dehors d'Allah al-Wahid al-Dayyan seront jetés en enfer avec la chose adorée. Tous ceux qui adoraient autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala al-Wahid al-Ahad seront jetés en enfer avec ceux qu'ils adoraient. Et ici nous pouvons conclure et déduire de ce hadith, ayyuha al-ikhwa, que les mécréants al-kafirun ne passeront jamais sur le pont al-Sirat. Les mécréants ne passeront jamais sur le pont al-Sirat. Comme passeront et sur lequel ne passeront que les croyants et les mu'minoun. Car il n'y a que les croyants et les mu'minoun qui passeront sur le pont As-Sirat et personne d'autre. Et c'est ce qui a été dit par l'imam Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Et telle est la parole authentique dans cette divergence. Car cela ne sert à rien aux mécréants de passer sur le pont As-Sirat, alors qu'à la fin du pont se trouve le paradis Al-Jannah. Et certes les mécréants n'entreront jamais au paradis. Ainsi à ce moment-là ils seront conduits, et à ce moment-là ils seront jetés en enfer. Car les gens, ayyuha al-ikhwa, après la pesée des actions dans le mizan, sont au nombre de 4 catégories. Le serviteur est soit mu'minun muwahhid, croyant unificateur, ou bien il est soit kafirun mushrik, mécréant associateur, ou bien il est soit kafirun min ahl al-kitab, mécréant parmi les gens du livre, ou bien il est soit hypocrite munafiq. 4 catégories après al-mizan. Quant aux mécréants associateurs, adorateurs des statues al-asnam, en dehors d'Allah al-malik al-allam, ils seront conduits en enfer et ils tomberont. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم فاهدوهم الى صراط الجحيم. Rassemblez les injustes et leurs pères et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de l'enfer. Et dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, Le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, nous dit, Allah Ta'ala assemblera les gens et leur dira que celui qui adorait quelque chose en dehors d'Allah, qu'il la suive. Ceux qui adoraient le soleil al-Shams suivront le soleil. Ceux qui adoraient la lune al-Qamar suivront la lune. Et ceux qui adoraient al-Tawarit, les idoles, les suivront là. Ce jour-là, les mécréants al-Kafiroun remarqueront là et constateront là et découvriront leur demeure dernière. Découvriront leur demeure éternelle. Découvriront leur séjour éternel. L'endroit où ils séjourneront et où ils demeureront éternellement. Et en ce jour ainsi, la menace et la promesse et l'avertissement d'Allah Azza wa Jal sera concrétisé sur eux. Ainsi, celui qui adorait Al-Asnam, les statues, sera rassemblé avec ses statues en enfer. Celui qui adorait le soleil Al-Shams sera rassemblé avec ce soleil en enfer. Celui qui adorait la lune Al-Qamar sera rassemblé avec cette lune en enfer. Celui qui adorait les idoles sera rassemblé avec ses idoles. Celui qui adorait un roi sera rassemblé avec ce roi en enfer. Tout adorateur sera rassemblé avec l'adoré. Ces êtres qui ont été adorés en dehors d'Allah et Azza wa Jal seront conduits dans le feu, même s'ils ne ressentent rien dans cet enfer. Naam. Les êtres et les choses qui ont été adorés en dehors d'Allah al-Wahid al-Ahad seront rassemblés dans le feu avec les adorateurs, même si ces choses ne ressentent rien en enfer. Pourquoi ? Afin d'augmenter et d'intensifier les regrets et les remords de ces adorateurs. Allah Jalla wa Ala nous dit « Innakum wa ma ta'buduna min dunillah, hasabu jahannama antum laha walidun » Vous serez vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, et vous vous y rendrez tous. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. Si cela était véritablement des divinités, ils n'y seraient pas rentrés en enfer. وكلهم فيها خالدون. Et tous y demeureront éternellement. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Ils y pousseront des gémissements et ils n'y entendront rien. Et seront épargnés et préservés, ceux qui n'étaient pas d'accord et ceux qui n'étaient pas satisfaits qu'on les adore en dehors d'Allah et Azza wa Jal dans ce bas monde ad-dunya. Tel les anges al-Malaïka, et tel al-Masih ibn Maryam alayhi salat wa salam, et tel al-Uzayr et d'autres qui ont été adorés en dehors d'Allah et Azza wa Jal dans ce bas monde ad-dunya, mais qui eux sont innocents de ces actions. Ainsi, celui qui n'était pas d'accord d'être adoré et qui s'innocente d'être adoré en dehors d'Allah et Azza wa Jal dans ce bas monde ne sera jamais placé au feu de l'enfer. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Et ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Allah al-Aziz al-Ghaffar nous dit إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ En seront écartés, c'est-à-dire de l'enfer, ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ Ils n'entendront point son sifflement et ils jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. La yahzunuhum al-faza' al-akbar. La grande terreur ne les affligera pas. Wa tatalaqahum al-mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Et les anges les accueilleront, tel est le jour qui vous a été promis. Ainsi les mécréants, ayyuha al-ikhwatu al-kiram al-kafirun, seront alors rassemblés au feu de l'enfer. Et à cet instant, comment seront-ils rassemblés ? De quelle manière et de quelle façon? Et comment aura lieu ce rassemblement, ayyuha al-ahbab? Car ce rassemblement est le quatrième, et c'est celui dont nous avions parlé parmi les rassemblements il y a plusieurs semaines. Et c'est parmi les paroles de l'imam al-Qurtubi, rahmatullahi alayhi. Les mécréants, ayyuha al-ahibbatu fillah, seront rassemblés au feu de l'enfer. Comment le seront-ils? Ayyuha al-ikhwatu al-kiram, wallah, ils seront conduits tels des animaux et tels des bestiaux, d'une façon tellement humiliante, wallah, et d'une façon tellement rabaissante, après qu'ils se soient enorgueillis dans ce bas monde ad-dunya, après qu'ils se soient enflés d'orgueil dans ce bas monde ad-dunya. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Et ceux qui ont mécru seront conduits par groupe en enfer. Ainsi seront les anges al-Malaïka, qui les conduiront d'une façon très rude et très dure. Ils n'auront ainsi aucune force. Ils n'auront ainsi aucun choix. Ils seront totalement soumis aux ordres. Et on les emmènera à là. Et on les poussera à là. De ce rassemblement vers l'enfer. Leur destination sera alors l'enfer. Wal'iyadu billahi azza wa jal. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Dis à ceux qui n'ont pas cru, vous serez bientôt vaincus et vous serez rassemblés vers l'enfer, et quel mauvais endroit pour se reposer. Ils y seront rassemblés ainsi et ils seront poussés d'une façon rude et pénible. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: ويوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Le jour où ils seront brutalement poussés en enfer, tel est le feu que vous traitiez de mensonge. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, ainsi al-malaïka, les anges, les gardiens de l'enfer, rassembleront ainsi al-awwalin wal-akhirin, les premiers et les derniers. Ceux-ci ne pourront ainsi pas s'enfuir. Tout le monde sera présent, ayyuha al-ikhwa. Ils seront rassemblés où? Vers le feu de l'enfer. Ils seront rassemblés où? Vers le châtiment d'Allah et Azza wa Jal, groupe par groupe, et partie par partie, et clan par clan. Fa wallahi, quelle vision atroce! Fa wallahi, quel horrible témoignage! Fa wallahi, quelle scène horrible! Imaginez-vous, ayyuha al-ikhwa tul-kiram, imaginez-vous ces masses de personnes, imaginez-vous ces groupes et ces parties et ces catégories. Tous se dirigent vers leur même destination, tous se dirigent vers leur même séjour, tous se dirigent vers leur même destination éternelle et vers leur demeure dernière. Ces groupes que les anges emmènent vers le feu, et la plupart des gens, ayyuha al-ikhwa, seront parmi les gens de l'enfer. Car la plupart des gens étaient mécréants sur cette terre, ad-dunya. Alors imagine avec moi, ya Abdallah, ils seront conduits vers l'enfer des façons les plus humiliantes, des façons les plus rabaissantes, wal'iyadu billah. Regarde avec moi ces groupes qui se dirigent vers l'enfer, ces groupes de mécréants avec leurs prêcheurs, et avec leurs partisans, et avec leurs meneurs, et avec leurs chefs, tous seront conduits vers le feu de l'enfer. Et regarde là, regarde là. Qui voyons-nous? Qui voyons-nous, ayyuha al-ikhwa? Et qui apercevons-nous? Voilà un homme énorme, et voilà un corps énorme, avec un visage noir, et un visage assombri, et un visage plein de honte, et beaucoup de partisans qui le suivent. Innahu Fir'aun. Fir'aun la'anahu Allah. Innahu Fir'aun al-kadhab al-kaffar al-jabbar. Le rebelle et le mécréant et l'orgueilleux. Wa adalla Fir'aun qawmahu wa ma hada. Wa adalla Fir'aun qawmahu wa ma hada. Et Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mit point sur le droit chemin. Celui ainsi qui s'enorgueillit dans ce bas monde, ayyuha al-ikhwa. Pharaon qui s'est enflé d'orgueil dans ce bas monde. Pharaon qui s'est enorgueilli dans ce bas monde, ad-dunya. Celui qui aura prétendu al-uluhiyya, la divinité en dehors d'Allah. Celui qui aura prétendu al-rububiyya, la seigneurie en dehors d'Allah, azza wa jal, en disant ana rabbukumul a'la. C'est moi, votre Seigneur le Très-Haut. C'est lui qui fit souffrir les gens de la pire des façons, en épargnant les femmes, mais en égorgeant les enfants. Et ainsi prétendait la divinité et la seigneurie en dehors du Seigneur tabaraka wa ta'ala. Celui-ci, ayyuha al-ikhwa tul-kiram, sera rassemblé au feu de l'enfer. Lui et son peuple. Et Pharaon, ayyuha al-ikhwa tul-kiram, dont le cas était allégalement ainsi que sa ruse, Allah jalla wa ala nous dit à son sujet, wa ma amru Pharaon birashik. Bien que l'ordre de Pharaon n'avait rien de sensé, il précédera son peuple le jour de la résurrection, et il les mènera vers le feu. Et quelle détestable destination! Ainsi il devancera son peuple, ce peuple qui l'aura obéi, ce peuple qui l'aura suivi, ce peuple qui l'aura adoré en dehors d'Allah et Azza wa Jal. فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. Ainsi chercha-t-il à étourdir et à endormir son peuple, et ce peuple lui obéit. car ils étaient des gens pervers, car son peuple était des gens pervers. Fir'aun, la'anahu Allahu ta'ala, sera placé devant son peuple afin que lui-même les emmène vers le feu de l'enfer. Comme ceci a été cité dans le Coran, yaqadumu qawmahu yawm al-qiyam. Il précédera son peuple le jour de la résurrection. Fa'awradahum an-nar. Il les mènera vers le feu. Wa bi'sa al-wirdu al-mawrud. Et quelle détestable destination! Puis Allah Jalla wa Ala nous dit à la suite de ces versets: Wa utbi'u fi hadhihi la'na wa yawm al-qiyamah bi'sa al-rifdu al-marfud. Et ils sont poursuivis par une malédiction dans ce bas monde et le jour de la résurrection. Quel détestable don qui leur fut donné! Al-Imam al-Mujahid rahimahullah ta'ala nous dit: On leur infligera une malédiction le jour de la résurrection. Telles sont les deux malédictions. وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفود. Et c'est comme cela, ايها الاخوه الكرام, et c'est la même situation et la même destination et le même sort pour tous les pharaons de la terre. Pour tous les pharaons de la terre qui auront osé appeler à être adorés dans cette vie en dehors d'Allah al-Wahid al-Ahad. C'est ainsi pour les prêcheurs de l'enfer. C'est ainsi pour les meneurs de l'enfer. Ils seront rassemblés et ils devanceront leur peuple. Et comment seront-ils rassemblés vers l'enfer? Écoutez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit. « وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا » ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Et nous pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Ils seront rassemblés vers l'enfer alors qu'ils seront morts de soif, ayo al-ikhwa. Ils seront rassemblés dans l'enfer alors qu'ils seront abreuvés, comme vous avez entendu à propos des gens du livre. Et ils demanderont ainsi à leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, comme ceci a été cité dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, qu'on leur donne à boire. Tous seront conduits en enfer, ayol ikhwa. Et tel est le quatrième rassemblement. Tous seront conduits, ayol ikhwa, les rebelles, les idoles, les adorateurs ainsi que les adorés, et les suivis ainsi que les suiveurs. Tous seront conduits au feu de l'enfer. Et lors du trajet, et lors du rassemblement, et lors de la direction vers cette destination effrayante et détestable, ils se disputeront. Les uns insulteront les autres, et les uns maudiront les autres, et les uns s'innocenteront des autres, et les uns désavoueront les autres. Allah Jalla wa Ala nous dit: وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Lorsque les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah, et qu'Allah est dur en châtiment. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Lorsque les meneurs s'innocenteront de leurs suiveurs à la vue du châtiment, et les liens entre eux seront bien brisés. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Et les suiveurs diront: ah, si un retour nous était possible, alors nous nous innocenterons comme ils nous ont désavoués. Et ainsi Allah leur montrera leurs actions, source de rumeurs pour eux, mais ils ne pourront point sortir du feu de l'enfer. Ainsi les uns insulteront les autres, et les suiveurs insulteront les meneurs, et les meneurs s'innocenteront des menés. Les uns maudiront les autres, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُوا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ. Si tu pouvais voir lorsque les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns les autres. يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Si tu peux voir lorsque les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns les autres, ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient: sans vous, nous aurions certes été croyants. Et ceux qui s'enorgueillissaient diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles: est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction alors qu'elle vous est venue? mais vous étiez plutôt des criminels. Naam, ils se disputeront alors, ils se maudiront alors. Celui qui médite sur ces versets, Yayon Yehwa, se rendra compte qu'ils correspondent exactement à tout celui qui prêche à son parti, ou à sa pensée, ou à son chemin, ou à un autre que le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il se passera tout cela au chemin de l'enfer. Imaginez-vous, ya ibadallah, lors du chemin vers l'enfer, lors du chemin vers le feu de l'enfer, se dirigeant, ayol ikhwatul kiram, se dirigeant vers leur demeure éternelle, tout en sachant qu'ils demeureront éternellement dans ce feu de l'enfer, ils se disputent alors, et ils s'insultent alors, et ils s'innocentent les uns les autres, et ils se maudissent les uns les autres. Tu verras des choses très étonnantes, ya Abdallah. Tu verras ces discours emplis de haine entre les gouverneurs et les gouvernés. Ce type de discours n'avait pas lieu dans cette vie de ce bas monde dunya, car les uns avaient peur des autres. Mais ce jour-là, ayol ikhwa, les causes ont été rompues. Les uns insultent alors les autres et se maudissent entre eux. Tous seront rassemblés au feu de l'enfer. Le mécréant ainsi souhaitera, ayol ikhwa, le mécréant ainsi désirera à ce moment-là livrer même ses enfants, échanger même ses enfants contre le châtiment. Yawma yawaddul muslim, law yaftadi min adhabi yawmi idin bimani. Le criminel aimerait pouvoir ce jour-là se racheter du châtiment à ce jour en livrant ses enfants. Et chacun cherchera alors un proche ou un ami se trouvant parmi les croyants afin qu'il intercède en sa faveur. Mais comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ شَفِعِينَ. L'intercession des intercédeurs ne leur sera nullement profitable. Et regardez le cas du père d'Ibrahim alayhi salat wa salam, qui viendra à son fils afin que celui-ci intercède en sa faveur. Comme ceci a été cité dans le recueil d'Imam al-Bukhari selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, Ibrahim alayhi salam rencontrera son père Azar. Et sur le visage d'Ibrahim, des ténèbres, de la poussière et de la tristesse, Ibrahim alayhi salam dira alors à son Seigneur, Ya Rab, tu m'as promis de ne pas me couvrir de honte le jour où l'on sera ressuscité. Et quelle honte plus grande qu'un père éloigné et égaré. Allah Jalla wa Ala répondra alors, Ya Ibrahim, j'ai certes interdit le paradis aux mécréants. Ya Ibrahim, j'ai certes interdit le paradis aux mécréants. Puis on lui dira, regarde au niveau de tes pieds. Et alors il regardera et il apercevra une silhouette à l'apparence d'une hyène que l'on prendra et que l'on jettera en enfer. Telle est l'apparence de son père. Allah Jalla wa Ala l'a mis sur l'apparence d'une hyène afin qu'il ne soit pas honteux le jour de la résurrection. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. L'intercession des intercédeurs ne leur sera nullement profitable. Et à ce moment-là, ayol ikhwa, les mécréants espéreront avoir une intercession. Et le regret et l'amertume deviennent encore plus grands lorsqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, leur enlèvera quelque sens. Il leur enlèvera les sens de l'ouïe et les sens de la vue et le sens de la langue. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, « Wa nahshuruhum yawma al-qiyamati ala wujuhihim » Et le jour de la résurrection, nous les rassemblerons traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds. Ils seront rassemblés traînés sur leur visage. Comment pourraient-ils être traînés sur leur visage? Cette question fut posée par un compagnon, radiallahu anhu, au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Comme ceci a été cité dans les deux recueils authentiques selon Anas, radiallahu anhu, le messager d'Allah, un jour un homme posa la question et lui dit, Ya Rasulallah, comment sera placé le mécréant Al-Kafir sur son visage le jour de la résurrection? Et regardez la réponse d'Al-Habib al-Mustafa. Sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit alors, celui qui le fit marcher sur ses pieds dans cette vie ad-dunya, ne peut-il pas le placer sur son visage le jour de la résurrection? Qatada rahimahullah ta'ala nous dit, na'am, par la grandeur de notre Seigneur. Le mécréant Al-Kafir sera ainsi placé et traîné sur son visage, comme Allah Jalla wa Ala aura fait marcher les serpents et les vipères sur leur ventre dans cette vie, ainsi que d'autres animaux, et aura fait marcher les mécréants sur leurs pieds dans ce monde ad-dunya, et les fera marcher et traîner sur leur visage dans l'akhirah. Ce visage qui s'enflait d'orgueil dans ce monde ad-dunya, ce visage qui se levait et enorgueillit envers les créatures d'Allah et Azza wa Jal dans ce monde ad-dunya, ce visage qui renonçait à se mettre sur terre en soumission et adoration à Allah Jalla wa Ala, le mécréant sera placé dessus dans l'au-delà. Naam. Car la chose ayant l'ikhwatul kiram, la plus noble et la plus valeureuse de l'être humain est son visage. Ce visage, ya Abdallah, si tu ne le places pas sur la terre, pour Allah Jalla wa Ala, Allah, il n'y aura aucun bien pour toi. Et tu seras alors jeté dans le feu de l'enfer. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَسُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Et le jour de la résurrection, nous les rassemblerons, traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblira, nous leur accroîtrons de la flamme ardente. Et ils n'entendront point. Et ils ne verront point, et ils ne pourront point parler. Ils n'entendront que le bruit du feu de l'enfer, comme nous le dit Allah Azza wa Jal. إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Lorsque de loin elle les voit, c'est-à-dire l'enfer. إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا. Lorsqu'elle les voit de loin, c'est-à-dire l'enfer, ils entendront sa fureur et ses pétiments. Et ainsi, lorsque les mécréants ayant l'ikhwatu l-kiram arrivera jusqu'aux portes de l'enfer, ils s'arrêteront à ces portes alors. Aux sept portes de l'enfer, comme ceci a été dit dans le Coran, « لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. » Il a sept portes, et chaque porte en a sa part déterminée. À chaque porte, une partie des partisans d'Iblis. Naam. Lorsqu'ils seront devant les portes de l'enfer, ils apercevront alors ce qu'Allah Jalla wa Ala leur a préparé. Ils apercevront alors ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a réservé comme supplice, et comme souffrance, et comme douleur, et comme châtiment, wal'iyadu billah, a'adana Allah minan nar. Ils regretteront alors, les mécréants commenceront à regretter, et à exprimer leurs remords, et à exprimer leurs regrets, et ils espéreront alors, et ils désireront alors, et ils souhaiteront alors revenir dans cette vie ad-dunya. Ils souhaiteront revenir dans cette vie de ce bas monde, afin de croire en Allah Azza wa Jal, afin de pratiquer des bonnes œuvres. Ils espéreront revenir dans ce bas monde ad-dunya, afin de rentrer dans la soumission au Seigneur des cieux et de la terre, afin de rentrer dans cette religion d'Allah Azza wa Jal. Allah Jalla wa Ala nous dit, « وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et si tu les voyais, ya Mohammed, et si tu les voyais lorsqu'ils seront placés dans le feu devant le feu de l'enfer, ils diront alors, hélas à nous, si nous pouvions être renvoyés sur terre, nous ne trairions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants al-mu'minin. Puis Allah Jalla wa Ala nous dit, بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Mais non, voilà ce que leur apparaîtra, ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient retournés à la vie de ce bas monde, ils reviendraient à ce qui leur était interdit. Et ils sont certes que des menteurs. Ils désireront retourner dans cette vie, mais ils ne pourront point. Ils souhaiteront retourner dans ce bas monde à Dunia, mais ils ne pourront point. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Les criminels verront le feu, et ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront point d'échappatoire et d'issue. Lorsqu'ils arriveront alors aux portes de l'enfer, on leur dira alors, avec toute peur et avec tout effroi, قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement, et certes qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Ils seront alors humiliés, ils seront alors perdants, wal'iyadu billah. Et nous laisserons à Yuhal Yikhwatul Kiram le discours sur le cas de l'enfer dans les futures étapes de la demeure dernière. Les mécréants al-kafiroun ainsi auront été jetés en enfer, et auront trouvé ainsi leur rétribution et leur récompense. Après que leur balance ait été légère, et la récompense est proportionnelle à leur œuvre effectuée, qui reste-t-il dès maintenant, ayyuhal ikhwa? Qui reste-t-il dès lors? Il ne reste que les croyants al-mu'minoun et les hypocrites al-munafiqoun. Les croyants al-mu'minoun, ayyuhal ikhwa, et les hypocrites al-munafiqoun. Il reste les croyants al-mu'minoun al-muwahhidoun et les hypocrites al-munafiqoun al-khadi'oun. Et à ce moment-là, ceux-ci s'apprêtent à traverser le pont As-Sirat. Mais avant le pont As-Sirat, ayyuhal ikhwa, il va se passer d'autres choses. Alors écoute attentivement, ayyuhal akh, dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, se trouve un hadith selon Abi Hurayrat radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vous vient-il un mal lorsque vous regardez la pleine lune sans qu'il n'y ait entre vous et elle des nuages? Et alors les compagnons, un sahaba radiallahu anhu, lui répondirent: non, ya Rasulallah. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: eh bien, vous verrez de même votre Seigneur le jour de la résurrection. Allah Ta'ala rassemblera alors les gens et dira: que celui qui a adoré quelque chose le suit. Ceux qui adoraient le soleil Hacham suivront le soleil. Ceux qui adoraient la lune Al-Qamar suivront la lune. Ceux qui adoraient les idoles Al-Tawarif les suivront là. Et cette communauté Al-Mu'minoun restera avec les hypocrites Al-Munafiqin. Et cette communauté des croyants Al-Mu'minin restera avec les hypocrites Al-Munafiqin. Allah Jalla wa Ala leur viendra alors avec une image qu'ils ne reconnaissent pas. Et il dira alors: je suis votre Seigneur. Ils répondront alors: nous nous protégeons auprès d'Allah contre toi. Ceci est notre lieu de rendez-vous jusqu'à ce que vienne notre Seigneur. Et lorsque notre Seigneur viendra, nous le reconnaîtrons. Puis Allah viendra avec l'image qu'ils connaissent. Et il dira alors: je suis votre Seigneur. Ils répondront alors: tu es notre Seigneur. Et ils le suivront alors. Et le pont As-Sirat sera alors placé sur l'enfer. Et dans la version de Abu Sa'id ibn al-Khudri radiallahu anhu, qui est également dans les deux recueils authentiques, le prophète alayhi salatu wa salam dit: jusqu'à ce que ne reste que ceux qui adoraient Allah azza wa jal, parmi eux les bons et les mauvais, notre Seigneur leur viendra avec une image moins importante que celle qu'ils virent auparavant. Il dira alors: je suis votre Seigneur. Ils répondront alors: nous nous protégeons auprès d'Allah contre toi. Nous n'effectuons point d'association et point de polythéisme. Et ils diront: Seigneur, nous nous sommes séparés des gens dans le bas monde, plus pauvres qu'eux, et nous ne les avons point pris comme amis. Il dira: je suis votre Seigneur. Ils répondront alors: nous nous protégeons auprès d'Allah contre toi, nous n'effectuons point de polythéisme. Puis Allah Jalla wa Ala dira aux gens présents, aux croyants et aux hypocrites, et ce test leur est en fait dressé, afin que cela soit distingué entre les croyants et les hypocrites, après que leur Seigneur Jalla wa Ala leur soit venu avec une image non connue, sans essayer de savoir comment, et sans nier et sans falsifier ayant l'ikhwa. Allah Jalla wa Ala dira alors aux gens présents: a-t-il un signe avec quoi vous reconnaissez votre Seigneur? Et ils répondront alors: na'am, oui. Et Allah Jalla wa Ala leur dévoilera son pied à sœur. Allah Jalla wa Ala leur dévoilera son pied à sœur. Allah Tabaraka wa Ta'ala dévoilera alors son pied, et il n'y aura alors nom, il n'y aura alors aucune personne s'ayant prosterné à Allah auparavant dans ce bas monde ad-dunya qui ne se prosternera pas à Allah Tabaraka wa Ta'ala, excepté ceux qui se prosternaient dans ce bas monde par crainte et ostentation. Ceux-là ne pourront pas se prosterner. Et tels sont les hypocrites al-Munafiqun. Ainsi les hypocrites seront alors dévoilés à ce moment-là, ayyuhal ikhwa. Et à chaque fois qu'ils essaieront de se prosterner, Allah Jalla wa Ala bloquera leur dos. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala viendra sous sa première forme. Et il dira alors: je suis votre Seigneur. Ils répondront alors: tu es notre Seigneur. Et lors de cette épreuve, ayyuhal ikhwa tul kiram, ainsi, lors de ce test sera dirigé et destiné aux croyants et aux hypocrites, afin d'être testé, car les hypocrites se cachaient dans cette vie, entre les rangs des musulmans et des croyants al-mu'minin ou al-muslimin, et pensaient qu'ils avaient trompé les croyants, et pensaient qu'ils pourraient tromper Allah tabaraka wa ta'ala, comme Allah jalla wa ala nous dit: inna al-munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. يُرَاءُونَ النَّاسِ. Avec ostentation envers les gens. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et ils n'invoquent Allah que très peu. مُدَبَدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ. لَا إِلَهَ أُولَى. وَلَا إِلَهَ أُولَى. Et ils sont indécis ainsi entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns et ni aux autres. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Et quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne se rendent pas compte. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie et Allah laisse augmenter leur maladie dans leur cœur. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti et traité de mensonges. Ayol ikhwatul kiram, après ce test, après que les unificateurs al-muwahhidun et les sincères se soient prosternés à Allah al-wahid al-ahad, et après que les dos des hypocrites al-munafiqun soient-elles des bâtons dressés qui ne puissent se courber devant Allah Azza wa Jal, après que le crime et la perversion et la mécréance des hypocrites aient été découvertes, ainsi que leur hypocrisie, ayol ikhwa, le pont As-Sirat sera alors placé au-dessus de l'enfer Jahannam. Et les gens passeront dessus. Al-Mu'minoun passeront alors dessus. Et à ce moment précis, Allah Jalla wa Ala placera aux gens présents et mettra tous les gens qui seront présents dans cette scène, Al-Mu'minoun ou Al-Munafiqoun, dans un noir obscur. Il les placera, ayol ikhwa, dans des ténèbres épais et dans une obscurité totale et complète. Ayol ikhwa tul kiram, à ce moment précis, si une personne tend sa main, elle ne pourra point l'apercevoir. Et aucun pourra apercevoir son prochain. Ils seront tous plongés dans une grande obscurité et dans un noir complet, sauf celui à qui Allah, Jalla wa Ala, aura accordé de la lumière. Et celui qu'Allah prive de lumière n'aura aucune lumière. Et la preuve est tirée de ce que rapporte l'imam Muslim. Selon Thawban radiallahu anhu, il nous dit lorsque le prophète alayhi salat wa salam a été questionné, où seront les gens lorsque la terre ne sera plus comme cette terre et ainsi que les cieux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, ils seront dans une obscurité avant le pont As-Sirat. Ils seront dans une obscurité avant le pont As-Sirat. Les gens seront alors plongés dans cette obscurité, sauf celui à qui Allah aura accordé de la lumière. Et ceci se rapporte, et cela dépend des actions effectuées dans ce monde ad-dunya. Ainsi les gens, ayol ikhwa, seront tous au bord de l'enfer, Jahannam, tous devant le pont As-Sirat. Celui qui possède de la lumière pourra passer, celui qui n'aura pas de lumière tombera la tête la première dans le feu de l'enfer, wal-iyadu billah. Les croyants al-mu'minoun seront alors différenciés par leur intensité de leur lumière. Ils se distingueront les uns les autres en fonction de l'accomplissement de leurs bonnes œuvres dans ce bas monde, de leurs efforts qu'ils auront faits dans ce bas monde à dunya, comme ceci a été rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, et cité également par Sheikh al-Albani rahimahullah dans Silsilat al-Sahiha, et rapporté par l'imam al-Hakim ou l'imam al-Tabarani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, après qu'Allah a fait découvrir son pied à sa, et après que les croyants al-Mu'minoun se soient prosternés à lui, leur Seigneur les appellera et leur dira, relevez vos têtes. Ils relèveront alors tous leurs têtes. Puis Allah Jalla wa Ala leur accordera de la lumière proportionnelle à leurs actions. Certains auront alors de la lumière, telle une énorme montagne. Qu'Allah fasse que l'on soit parmi eux. Certains auront de la lumière, telle une énorme montagne. Tout sera visible devant eux alors. D'autres auront moins de lumière. D'autres en auront d'une taille d'un palmier. Et celui qui en aura le moins, ayol ikhwa, est un homme dont on lui aura donné de la lumière sur le bout de son doigt, soit de sa main, soit de son pied. Dont on lui aura accordé de la lumière au bout du doigt de son pied ou de sa main. Et ainsi, cette lumière brille une fois, et elle s'éteint une autre fois. Elle brille une fois, et elle s'éteint une autre fois. Lorsqu'elle brille, il peut marcher alors. Et lorsqu'elle s'éteint, il s'arrête de marcher. Telles sont les lumières, ayol ikhwa. Et à ce moment-là, ayol ikhwa tul kiram, nous remarquons la valeur de la prière à salat. La valeur de la prière à salat dans ce bas monde ad-dunya. La valeur de la prosternation à sujoud lillahi jalla wa ala. Inna salat al-nur, kama qala alayhi salat wa salam. Comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes la lumière sur le visage, certes la prière, ayol ikhwa, est une lumière sur le visage, est une lumière dans la tombe, est une lumière le jour de la résurrection, avec lequel le serviteur sera guidé dans la situation la plus dangereuse. Ainsi, quel perdant celui qui aura délaissé la prière à salat, quel égaré celui qui aura délaissé la prière, et quel malheur à celui qui aura négligé sa prière. As'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. أن يرزقنا الإخلاص والثواب في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله, أبقي كالله جل وعلا et accorder aux croyants et aux mu'minines leur lumière en fonction de leurs actions, comme nous le dit notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, يوم يرى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, et on leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous, ce jour-là, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et tel est l'énorme succès. Lorsque les croyants seront illuminés, ayant l'Ikhwa, dans cette vie par l'islam, et lorsqu'ils vécurent sous la lumière des prescriptions d'Allah et Azza wa Jal dans ce monde ad-dunya, et lorsqu'ils auront suivi cette énorme lumière de l'islam, Allah Jalla wa Ala leur donnera cette lumière dans l'au-delà. Allah Tabaraka wa Ta'ala leur accordera cette lumière dans l'au-delà. Et il la leur donnera dans les moments les plus difficiles. Et parmi les moments les plus difficiles, celui-ci, ayyuha al-ikhwa, le passage sur le pont As-Sirat. Wal jaza'u min jinsi al-amal. Et la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'a. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi-aymanihim. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui, leur lumière courra devant eux à leur droite. Amma al-munafiqoun. أما الخادعون quant aux hypocrites et aux traîtres, Allah Azza wa Jal leur retirera leur lumière, car ils auront trompé Allah dans ce bas monde ad-dunya. Allah les trompera ainsi dans l'au-delà al-akhira. Naam, lorsqu'il leur retirera la lumière de la foi al-iman dans ce bas monde, et qu'ils ont été dans les ténèbres de l'égarement, ayyuhal ikhwa, il leur retirera cette lumière en ce jour avec lesquels ils pourraient passer dans ce pont as-sirat. Wal jaza'u min jinsi al-amal. الله تبارك وتعالى مدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون. Il ressemble à quelqu'un qui aura allumé un feu, puis lorsque le feu a illuminé tout alentour, Allah aura fait disparaître leur lumière. Il les aura abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent ainsi plus revenir. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et Allah n'est point injuste envers personne. Lorsqu'Allah retira ainsi la lumière de la foi de l'iman dans leur cœur dans ce bas monde, il leur retire ainsi cette lumière dont ils nous ont tant besoin afin de franchir le pont As-Sirat. Car ils auront trompé les seigneurs des cieux et de la terre, tabaraka wa ta'ala. Ils se seront ainsi cachés entre les rangs des musulmans, et ils auront prétendu être parmi les musulmans, ils auront prétendu être parmi al-muahidin, et parmi les gens de cette religion. Mais ce ne sont que des trompeurs, mais ce ne sont que des menteurs. Lorsque les hypocrites ainsi verront les croyants, et apercevront les croyants avec leur lumière, faisant illuminer leur visage, un don de la part d'Allah et Azza wa Jal, à ce moment-là, les hypocrites al-munafiqoun s'adresseront aux croyants et interpelleront les croyants et appelleront les croyants et les unificateurs. Un témoignage terrifiant, ayyuha al-ikhwa, et une scène étonnante, ayyuha al-ahbab. Écoutez ce que nous dit notre Seigneur Jalla wa Ala. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, انظرونَ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Les hypocrites et les trompeurs ainsi appelleront les croyants et les sincères. Ils les appelleront ayyuha al-ikhwa. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظرونا نقتبس من نوركم. Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Attendez-nous afin que nous puissions nous éclairer avec votre lumière, afin que nous puissions être guidés par vous sur ce pont as-sirat. انظرونا نقتبس من نوركم. Attendez-nous afin que nous empruntions un peu de votre lumière. Donnez-nous un peu ce que vous avez comme lumière. قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Il leur sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Revenez d'où vous êtes arrivés, vous trouverez peut-être de la lumière. Revenez d'où vous venez, et ici, ayyuha al-ikhwa, la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Comme les hypocrites dans ce bas monde se détournaient du bien dans cette vie. Comme les hypocrites de ce bas monde rebroussaient chemin lorsqu'il fallait faire des bonnes actions. Rebroussaient chemin lorsqu'il fallait se rapprocher du Seigneur. Rebroussaient chemin lorsqu'il fallait prier la prière d'El Fajr et de l'Isha. Ils se détournaient des aumônes et ils se détournaient d'aider à propager la ilaha illallah. Et bien à ce moment-là, farji'u wara'akum. Retournez, voir si vous avez de la lumière. Rebroussez chemin pour aller voir si vous aurez de la lumière. El jaza'u min jinsi al-amal. Puis Allah Jalla wa Ala nous dit qil arji'u wara'akum faltamisu nura fadhuriba baynahum bisurin lahu bab. C'est alors qu'on élèvera ainsi entre une muraille et une porte. Et ce mur a été cité par Allah fi surat al-A'raf wa baynahuma hijaz. Et entre les deux, il y aura un mur. Entre les gens du paradis et les gens de l'enfer, il y aura ce mur, cette paroi, cette séparation, ce voile. Et ceci est la parole d'Imam al-Mujahid, wa Qatada, wa al-Hasan al-Basri, wa al-Hafid ibn Kathir, qui nous disent que c'est la parole la plus probable. فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ. À l'intérieur de ce mur, il contient la miséricorde al-Rahmah. C'est-à-dire du côté des croyants al-Mu'minin, il y aura la miséricorde et le paradis al-Jannah. فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَاطِنُهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ. Et de l'autre côté, le châtiment et l'enfer. C'est-à-dire du côté des hypocrites al-Munafiqin. À ce moment-là, ayyuha al-ikhwa, lorsque ce mur sera élevé, dressé et édifié, et que les croyants ainsi se seront distingués et séparés et différenciés des hypocrites, et que toute partie sera ainsi dans son endroit, les hypocrites crieront alors. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. يُنَادُونَهُمْ ils leur crieront alors. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. N'étions-nous pas avec vous? أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. Les hypocrites et les trompeurs et les traîtres appelleront les croyants. أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. N'étions pas avec vous en train d'effectuer les prières d'Al-Jumu'ah. N'étions pas avec vous fi Arafat. Ne sortions pas avec vous fi Sabilillah. Ne faisions pas avec vous les autres obligations. N'étions pas avec vous dans les rassemblements. أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. N'étions pas avec vous. قَالُوا بَلَى. Oui, répondront-ils. Ils appelleront les croyants al-Mu'minis. Ils leur demanderont secours. C'est comme s'ils leur disaient, ne nous laissez pas seuls. Ne vous séparez pas de nous. Nous sommes vos proches. Nous sommes vos frères. Nous sommes vos amis. Mais ils mentent, Wallah. Mais que leur langue se couvre, Wallah. Regardez ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous dit. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Et ils jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres. Mais ils ne le sont pas, mais ce ne sont que des gens peureux. Et les croyants leur répondront alors, قَالُوا بَلَى. Oui, répondront les autres. قَالُوا بَلَى. Vous étiez avec nous. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. Mais vous vous êtes laissé tenter. Mais vous vous êtes laissé tenter par les plaisirs et les péchés, les désobéissances et les passions. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. Mais vous vous êtes laissé tenter. وَتَرَبَّصْتُمْ. Et vous avez comploté contre les croyants. Vous avez retardé le repentir à Allah et Azza wa Jal, le vrai repentir. Et dans une autre interprétation, وَتَرَبَّصْتُمْ. Vous avez comploté contre les croyants et al-Mu'ahidin et les unificateurs. Vous désiriez pour eux les catastrophes. Vous désiriez pour eux les problèmes. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et parmi les bédouins, certains prennent leurs dépenses comme une charge onéreuse et attendent pour vous un revers de fortune. Attendent pour vous un problème et une catastrophe. Ils désirent pour vous les catastrophes, c'est-à-dire les hypocrites, que le malheur retombe sur eux. Et Allah est certes audient et omniscient. Il est audient de leurs paroles, il est audient de leurs stratégies, de leurs complots et de leurs ordres. Il est omniscient de leurs actions. قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم. Et vous avez douté, vous n'étiez point sûr, vous n'aviez point la certitude, vous aviez douté de la vie après la mort, vous aviez douté du jugement al-hisab et de la récompense al-jaza, vous aviez touché par votre philosophie de Darwin et d'autres parmi al-shayatin, alors que vous aviez montré votre islam en apparence. Cette vision mécréante et cette théorie mécréante de Darwin que vous étudiez dans les universités, que vous avez appris aux enfants des musulmans et musulmans, c'est cela que vous avez amené, et c'est cela qui vous a amené aujourd'hui à cette étape. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. Et de vains espoirs vous ont trompé. Vous disiez qu'Allah nous pardonnera. Allah, il nous pardonnera. Vous disiez, nous faisons partie de la communauté de Mohammed. C'est bon, nous sommes des Arabes. Nous sommes parmi les suiveurs du prophète, alayhi salatu wa salam. Nos noms sont des noms des Arabes. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. Jusqu'à ce que vous vienne l'ordre d'Allah. Jusqu'à ce que vous ayez venu l'ordre d'Allah. Jusqu'à ce que vous ayez venu la mort, al-maut. jusqu'à ce que le destructeur des plaisirs et des jouissances vous soit venu par surprise. Et le séducteur et le tenteur, c'est-à-dire le shaitan, vous a trompé au sujet d'Allah. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ فَالْيَوْمَ aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de la résurrection, فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ce jour-là, on acceptera de rançon ni de votre part, ni de ceux qui auront mécru. Si l'un d'entre vous venait avec l'équivalent du poids de la terre entière en or pour payer une rançon afin d'échapper au châtiment d'Allah Azza wa Jal, cela ne sera point accepté de votre part. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير telle est votre destination et l'enfer, c'est lui votre compagnon inséparable, c'est le feu qui sera prioritaire pour vous, c'est le feu qui sera votre séjour et parmi toutes vos maisons et vos demeures à cause de votre mécréance et à cause de votre hypocrisie. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير c'est comme cela que l'on fera avec les hypocrites, c'est comme cela que l'on fera avec les trompeurs et les rois. Allah leur enlèvera leur lumière. Leur dos, ayo les rois, seront comme le dos des vaches, non articulés, comme un bâton, et ils ne pourront point se prosterner à Allah Azza wa Jal. Allah les dévoilera ainsi. Allah les affichera ainsi le jour de la résurrection. Et après cela, ayo les rois, tout le kiram, le pont sur l'enfer, Asfirat sera placé. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Et à ce moment-là, lorsque les croyants, al-mu'minoun, verront le cas des hypocrites se faire retirer leur lumière, ils se hâteront alors à implorer, à demander, à supplier à Allah, Jalla wa Ala. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير او سيغ بارفينو notre lumière et pardonne nous tu es certes capable de toutes choses ولا يظلم ربك احدا et Allah n'est point injuste envers personne telle est la fin des hypocrites ayo l'ikhwa ils seront jetés en enfer avant d'atteindre le pont as-sirat et lorsque nous parlons des hypocrites al-munafiqin nous parlons ici de l'hypocrite qui n'est pas révolu car certaines personnes pensent que les hypocrites ont péri et qu'ils sont morts à la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et ceci est une grosse erreur, ayyuhallah. Les hypocrites de nos jours sont nombreux, ayyuhallah, ikhwatul. Les hypocrites sont devenus nombreux, ayyuhallah, et ils sont différents de ceux qui étaient du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ceux qui étaient du temps du prophète alayhi salatu wassalam priaient, jeûnaient, effectuaient al-hajj, al-umra, donnaient al-sadaqa, et ils faisaient même al-jihad, sauf qu'ils faisaient cela par ostentation. Naam. Mais les hypocrites al-munafiqoun ayyuhal ikhwa de nos jours se vantent de leur hypocrisie, ils se vantent de délaisser la religion ad-din et ils crient tous eux leur guerre contre les rapprochés d'Allah azza wa jal. Comme ceux qui ont déclaré la guerre al-hijab, comme ceux qui se moquent des pratiquants et de certaines sunnahs du prophète alayhi salatu wassalam, comme ceux qui se moquent de la barbe al-lahya, comme ceux qui se moquent de la sunnah, ce sont eux les véritables hypocrites. Ils auront mécru après avoir été musulmans. Et ceci a été cité dans le Coran ayyuhal ikhwa. الله تبارك وتعالى نجي ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب Et si tu leur poses la question, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, véritablement, nous ne faisions que bavarder et plaisanter et jouer. Nous blaguions en se moquant de la religion et nous rigolions. Et Allah Jalla wa Ala nous dit, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَسِئُونَ Dis, est-ce d'Allah et de ses versets et de ses signes et de son messager que vous vous moquiez? La ta'tadiru. Ne vous excusez pas. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous êtes sûr, certainement, et vous avez certes rejeté votre foi après avoir cru. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram. Cela ainsi, s'ils ont dit ce type de paroles et ne se sont pas repentis à leur Seigneur tabaraka wa ta'ala ayyuhal ikhwa, et s'ils meurent ayyuhal ikhwatul kiram, on ne les lave pas, et on ne les place pas dans un linceul, et on ne prie pas sur eux, et on ne les interpare pas avec les musulmans et les muslimines, et l'invocation pour eux est interdite. Na'am. Comme la miséricorde et le pardon également, car ils auront mécru en Allah Azza wa Jalla après avoir été musulmans. Car ils auront mécru en Allah Tabaraka wa Ta'ala après la foi. Allah Jalla wa Ala nous dit, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa la tusalli ala ahadi minhum mata abada, wa la taqum ala qabri, innahum kafaru billahi wa rasulih. » Et ne fais point la prière sur eux, sur l'un d'eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, car ils n'auront pas cru en Allah et à son messager, et ils sont morts tous en étant pervers. Et ce verset, ayyuhal ikhwa, a été révélé lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, voulait prier sur le plus grand et sur la tête des hypocrites. La'anahu Allah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il se tint debout devant Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il lui dit en tirant le messager d'Allah alayhi salatu wasalam par les vêtements, Omar tira les vêtements du prophète alayhi salatu wasalam et lui dit, Ya Rasulallah, prierais-tu sur cet hypocrite? As-tu oublié ce qu'il dit? Il dit ceci et cela tel jour et tel jour. Et il fit ceci et cela tel jour et tel jour. Mais Al-Habib al-Mustafa, al-Rahmat al-Muhda, sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, Monseigneur, ne va-t-il pas donner le choix en me disant, Astaghfirta lahum, ou la tastaghfir lahum? Si tu demandes pardon pour eux, ou bien que tu ne leur demandes pas pardon. Et je savais qu'Allah Jalla wa Ala ne leur pardonnerait pas. Et si je savais qu'Allah Jalla wa Ala leur pardonnerait, alors je demanderais pardon pour eux. Allahu Akbar. Car le prophète alayhi salatu wa salam ne pense jamais à lui-même et à son âme. Mais lorsque le Coran d'Allah tabaraka wa ta'ala descendit, appuyant et soutenant la parole de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, ce verset descendit, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Et ne fais jamais la prière sur l'un d'eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, car ils n'auront pas cru en Allah et à son messager, ils sont morts tout en étant pervers. Ainsi on ne doit pas prier sur eux, et on ne doit pas prier sur eux, et on ne demande pas pour eux la miséricorde ni le pardon. Na'am ayol ikhwatul kiram, tel est le cas dans ces bas mondes. Quant à l'au-delà, ayol ikhwa, Allah Jalla wa Ala nous informe de leur destination. Inna al munafiqin fi d-dark al-asfali min an-nar, wa lan tajid lahum nasira. Certes, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu de l'enfer, et tu ne retrouveras jamais de secoureur. Illa alladhina tabu. Illa alladhina tabu. Illa alladhina tabu. وأخلصوا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne retrouveras jamais de secoureur sauf ceux qui se repentent et qui s'amendent et qui s'attachent fermement à Allah et lui avouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Ainsi la porte de Tawbah est ouverte. Qu'ils se repentent donc et qu'ils reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah Jalla wa Ala nous dit, s'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux, et s'ils tournent le dos, Allah les châtiera d'un douloureux châtiment ici-bas et dans l'au-delà, et ils n'auront sur terre ni allée ni secoureur. Qu'ils se repentent à Allah les hypocrites ainsi, et qu'ils reviennent, et qu'ils délaissent ses descriptions et ses moqueries envers la religion d'Allah et Azza wa Jalla et envers les pratiquants. C'est ainsi après la perdition des hypocrites al-munafiqin ayu al-ikhwa, et leur descente dans le plus bas degré et le plus bas fond de l'enfer, ulayyadu billah, le pont ayu al-ikhwa as-sirat, et dès lors, dressé et placé afin que les croyants al-mu'minoun passent au-dessus afin d'atteindre leur dernière demeure al-jannah. Comment cela, ayo al-ikhwa? La réponse sera traitée bi-idnillahi azza wa jal lors de nos prochains discours. Si Allah nous prête rencontre et vie, أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله جل وعلا أن يصلي ويسلم على الحبيب المصطفى وعلى الرسول المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وآله وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et qu'il accorde sa bénédiction et qu'il préserve de tout mal dans ce bas-monde ainsi que dans l'au-delà son noble messager, sa noble famille et ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui ont suivi son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, Ayyu al-Ikhwatul Kiram, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.